J'aime les dames, pas les échapper, pas les aller. Pas les échapper, que les dames serrent la main, pas les aller. Moi, j'ai assis côté, pour le poteau, maman. Moi, manier.